que dans tout ça, la gauche, parce que moi, par exemple, j'étais un de ceux qui pensaient que le fait qu'il y ait un vote massif pour le non aux européennes aurait engendré un écroulement de la gauche et un morcellement à son intérieur, quoi. Il Enfin, y a des genre, morcelés. ouais, Le mais. PS est pété en deux. Et pété en deux, mais malgré tout, il n'y a pas une remise en question des valeurs. Ben c'est pour ça que je te dis que ça va péter demain, parce qu'il y a même pas, parce que François Hollande ne tire absolument pas les conseils, ne fait pas de critique. Et ça fait deux fois que Il parle de la. traître, c'est tout. Tu vois, c'est-à-dire que quand on ne veut rien comprendre et qu'on continue, alors qu'on est le parti traditionnellement qui est censé représenter le vote populaire en France, le Parti socialiste, et qu'on méprise et qu'on défie l'électorat populaire à ce point-là, quand on se met à dos les ouvriers. Puis les immigrés d'origine maghrébine, puis les couches moyennes, enfin les couches moyennes salariées, et qu'on ne table que sur, en gros, le mouvement gay et le sionisme pour continuer à exister, on cesse d'être un parti de masse, quoi, tu vois. Et quand on refuse de faire cette analyse et qu'on dit il y a des traîtres, des têtes vont tomber, c'est ça le bilan qu'on fait après et qu'on dit ceux qui ont voté non à la Constitution ont voté avec Le Contre Pen. Chirac. Ou non, ou alors on votait avec Le Pen ou contre Chirac, c'est-à-dire qu'on refuse de voir qu'effectivement, il est normal que le Français moyen ait voté contre la Constitution européenne, car l'Europe telle qu'elle est et telle qu'elle continue à être, est objectivement défavorable aux salariés français moyens. Ça fait 30 ans qu'il y a plus d'Europe et ça fait 30 ans qu'il y a plus de chômage. Donc je veux dire, l'analyse, elle est simple à faire, hein. Plus il y a de chômage, plus il y a d'Europe, plus il y a de chômage de masse, plus il y a de désindustrialisation, et plus il y a de souffrance, d'abord des prolétaires, et ça monte dans les couches moyennes. Les gens, si tu veux, ont un instinct qui est très clair. Ils ont bien vu que ça allait de plus en plus mal pour eux, et que ceux qui votent oui à l'Europe ont parfaitement raison de voter. Cette Europe leur convient, mais ce sont que des élites, hein? Ce sont que des élites, et ben voilà, c'est tout. Donc si aujourd'hui le Parti socialiste représente des élites mondialisées, c'est leur problème. Mais à ce moment-là, il faut qu'ils cessent d'être le Parti socialiste, il faut qu'ils s'appellent autrement. Et là, ils sont face à une contradiction violente, ce qu'ils ne peuvent pas uniquement nier par des anathèmes, tu vois ce que je veux dire? Et on voit bien que même Mélenchon, malgré son alcoolisme, etc., a dit, j'en ai marre, ça fait 20 ans que je fais voter les gens, ça fait 20 ans que je mens. Et ça fait 20 ans que je suis le suppôt du libéralisme, maintenant c'est fini. Tu vois, le mec, il a eu une embellie pendant la campagne, et c'est de la psychanalyse. On voit bien que il a cessé un peu de picoler et qu'enfin il redevenait un homme de gauche pendant la campagne en appelant à voter non. Tu vois? Et tu sens tu vois très bien les couleuvres que ce mec-là a avalées et pourquoi il était aussi agressif dans les médias depuis des années, parce que le mec savait pour qui il travaillait, qu'il travaillait contre ses rêves de jeunesse, contre son électorat. Bon, ça c'est une évidence, tu Et vois. par exemple, toi qui es plutôt de gauche, hein, enfin même orientation Je crois être de gauche marxiste. puisque je crois en l'avenir. Je crois, enfin, si la gauche c'est que le mieux est vers l'avenir et que la droite c'est que le mieux c'est la tradition, je suis profondément de gauche, tu vois. Et par exemple, comment t'as trouvé le discours et la position de l'ASR et du Parti communiste, enfin par rapport aux élections européennes, tu penses Ils que. se sont refaits. Le problème c'est qu'ils se sont refaits une jeunesse sur la lutte des classes. Mais le problème c'est que la lutte des classes leur est revenue dans la gueule malgré eux. Ça fait 20 ans qu'ils disent que c'est plus le socle de leur lutte, la lutte des classes, qu'ils sont sur le communautarisme, le combat des femmes, etc. C'est-à-dire que, quelque part, c'est le peuple de France qui vole au secours du Parti communiste et de la LCR, c'est pas l'inverse, hein. C'est Marie-Georges Buffet qui découvre effectivement que la lutte des classes est toujours vivante malgré tout ce qu'elle a dit, tu vois. Et que des mecs comme moi ont quitté le PCF parce que le PCF n'était même plus sur des positions de classe, tu vois. Or, si les luttes de classe ont évolué, se sont complexifiées avec la complexification du capital et des rapports du capital et du travail, on n'est absolument pas sorti de la lutte des classes. La lutte des classes n'a jamais été aussi brutale et violente qu'aujourd'hui. Or, est-ce que le PCF donne les clés aux salariés pour qu'ils comprennent le renouvellement de la lutte des classes? La réponse est non. Est-ce que la LCR donne les réponses? La réponse est absolument non. Ils sont soit dans le rejet violent de la lutte des classes, soit dans une, comment dirais-je, dans une lecture rétro, là je parle de Hello, tu vois, de la lutte des classes, en parlant des travailleurs et des Bien sûr. patrons, c'est grotesque, tu vois, je veux dire, C'est un peu le même discours de Besançon, de toute Oui, façon. c'est du rétro, tu vois, c'est des antiquaires. Alors évidemment, ils étaient plutôt mieux que les autres parce qu'ils ont au moins osé dire qu'il y avait que le. D'abord, ils ont appelé à voter non à la Constitution, ce qui est déjà pas mal, et en disant que c'était quand même que quelque part il y avait quand même de la souffrance des pauvres, tu vois, et des salariés, ce qui était quand même pas mal. Mais je veux dire que leur analyse va pas tellement plus loin, parce que derrière, ils sont toujours sur leur vieille catégorie, combat des femmes, antifascisme. Enfin, tu vois, moi, tu vois, dès que les mecs te parlent d'antifascisme, c'est fini, quoi, tu vois, pour moi. Bien sûr. C'est plus une catégorie opératoire, c'est plus un concept valable, ce qui ne veut pas dire qu'il faut être fasciste. Mais c'est-à-dire que j'en ai marre des gens qui ont toujours une lutte antifasciste de retard. Il faut redéfinir le fascisme, parce que c'est ça, être marxiste, c'est ça, être de gauche. C'est montrer que les catégories évoluent dans l'histoire, et que c'est l'histoire qui produit les catégories et qu'il n'y a pas d'ontologie. Et donc, je suis absolument antifasciste. Qu'est-ce que le fascisme aujourd'hui? Ouais, parce que, enfin. Je suis absolument de gauche. Qu'est-ce que la gauche aujourd'hui? C'est tout. Et à un moment donné, il faut avoir le courage de dire que finalement, les vrais électeurs de gauche aujourd'hui, ceux qui sont profondément antifascistes, ont tendance à voter Le Pen. Tu vois. Et que c'est pas pour rien qu'ils ont déserté le vote communiste pour aller voter Le Pen, parce que le PCF les a trahis. Tu vois, c'est pas parce qu'ils sont devenus néo-nazis, tu vois, et qu'ils ont un instinct qui est pas con. Alors évidemment, c'est un vote, comment dirais-je, émotionnel. Et je dirais pas que Le Pen a un programme politique de gauche. Je dirais jamais ça. Il n'a pas de programme politique. Mais par contre, il incarne une colère gauloise. Qui elle-même a un avenir dans la gauche, tu vois, dans cette gauche qui est la gauche de la Révolution française, ça c'est sûr, tu vois, et qu'on incarne sûrement pas François Hollande. Il faut quand même de temps en temps avoir un peu de bon sens et un peu d'instinct, tu vois. Sur quoi on peut bâtir la gauche? Sur des colères légitimes, sur le monde du travail, sur des gens qu'on en marre de se faire baiser, par les médias, par une certaine oligarchie, par une élite méprisante et profondément illégitime, et qui n'a jamais fait son autocritique alors qu'elle accumule les échecs. Enfin, tu vois, de dire ça, c'est. Ouais, et l'avenir du PS dans tout ça, enfin. Le PS a le même avenir que le journal Libération. Hein. Ouais. Après, est-ce que c'est la LCR qui va prendre le relais du PS? Ça, c'est pas évident non plus. Non plus, mais je pense que ça, c'est des fausses. En fait, je pense que justement, tout est à remettre à plat, ce qui est très bon. Ça, c'est un vrai espoir de gauche, là. Je pense que toutes ces catégories issues de 1945 et 1968 arrivent au bout de leur logique. Et la LCR n'existe que parce que le PCF existe. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Les deux tomberont ensemble. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme Jean-Paul Sartre et le général de Gaulle, tu vois ce que je veux dire? Sans de Gaulle, il n'y a pas Sartre, tu vois ce que je veux dire? Et vice versa. Et sans la LCR, il n'y a pas le PC, et maintenant c'est Craven qu'emmerdait Robert Hue ou avant lui, machin, mais c'est rien tout ça. Enfin, les deux doivent tomber ensemble, et le PCF et la LCR. C'est des gens qui fonctionnent sur des catégories totalement obsolètes. Ce sont eux-mêmes des oligarques, tu vois. On sait très bien que Besancenot est le beau-fils de Krivine, qu'ils ont créé Besancenot de toutes pièces parce qu'ils avaient le problème Laguillé, et qu'ils ont joué, finalement Laguillé prend sa retraite, c'était la Jeanne d'Arc de la gauche catholique coupable, tu vois. Et puis aujourd'hui c'est Besancenot qui est le gentil facteur de Neuilly. Enfin, toi tu peux faire une analyse en termes de marketing, tu vois, c'est du marketing tout ça. Et Besancenot est un très bon mec qui communique très bien et qui a fait beaucoup de progrès, mais il est profondément malhonnête. Tu vois, ses analyses sont à peu près valables dans un premier temps, et puis le deuxième temps il y est pas. Après il se met à refaire de la rhétorique trotskiste. Soit il y croit et c'est un imbécile, soit il y croit pas, et à ce moment-là, il se positionne sur un marché et il sait très bien quelle est sa place. Moi, ce que je dis, je parle de diabolisation. Si Besancenot était ce qu'il prétend être, c'est-à-dire un petit facteur syndicaliste révolutionnaire, les médias ne diraient pas autant de bien de lui. Il serait diabolisé comme Le Pen. Parce que la stratégie du pouvoir, c'est la diabolisation quand il y a réellement un type subversif. Je peux en parler en connaissance de cause. Dieudonné peut en parler. On le voit très bien avec Le Pen, on le voit avec toi. Et si Besancenot était autre chose qu'un petit animateur qui n'a pour vocation que de faire 3,5 à chaque élection pour donner l'illusion que la démocratie est la démocratie, et si réellement il avait un projet, on va dire révolutionnaire, ou réellement subversif, je peux te dire que son image dans les médias changerait du jour au lendemain, et on te le présenterait comme un petit planqué absentéiste, issu, si tu veux, des bastions syndicaux de la fonction publique. On montrait chaque fois qu'il distribuait pas le courrier, chaque fois qu'il est à Porto Alegre alors qu'il est payé, si tu veux, par les Français, tu vois, pour ne pas faire son travail. Il serait diabolisé, on montrerait que c'est un planqué, que c'est le gendre de Krivine, qu'il n'est pas aimé par la base de la LCR. Tout ça n'a jamais été montré par les médias. Pourquoi? Parce que c'est le chouchou des médias, parce qu'il est sous contrôle. Voilà, je te dis que ce type, c'est la preuve qu'il est sous contrôle. Et je te dis qu'un mec qui est diabolisé, je vais parler de moi d'ailleurs, mais je vais même parler de Le Pen, c'est plutôt bon signe. Plus un mec est diabolisé, plus c'est le signe qu'il n'est pas sous contrôle du... De l'idéologie dominante. Voilà, de la horde, du système, de la bande, du lobby, de tout ce que tu veux, tu vois, de ceux qui tiennent la France. Et la diabolisation est toujours bon signe. Ouais. Les Français l'ont compris avec Dieudonné. Hein. Et bon, on va terminer. Tu aurais un petit sujet d'actualité ou quelque chose qui t'a touché dernièrement ou sur lequel tu aimerais rebondir ou mettre en valeur une contradiction ou ce type de choses? Enfin, je sais que... Enfin, l'actualité du moment, c'est surtout l'Irak, hein, évidemment, quoi. Je sais pas si t'as entendu le fait qu'il y avait... L'actualité actuelle, c'est l'Iran. Et l'Iran aussi, c'est la diabolisation de l'Iran, qui est assez étrange, c'est qu'on est en train de dire que l'Iran mérite d'être envahi, en gros, parce que l'Iran voudrait se doter de la bombe atomique. Il me semble que nous, on a la bombe atomique, personne nous a envahi pour ça, donc il y a des gens qui ont le droit de l'avoir, d'autres pas. Et après, la question que je pose, c'est pourquoi ça nous fait si peur que l'Iran ait la bombe atomique? Pourquoi l'Iran veut la bombe atomique? De qui l'Iran a-t-il peur dans la région? Et qui l'Iran menacerait s'il avait la bombe atomique? Voilà. Donc, bon, moi, c'est une question que je pose, je ne donne pas la réponse. Hein. Voilà. Et est-ce que... Ça serait peut-être tout simplement pour arrêter d'être menacé. Tout simplement. Qui ça? L'Iran se doterait de l'arme atomique pour justement... ça enlève le poids de la menace atomique. Et justement pour qu'il y ait un rapport de force qui soit... Et qui menace l'Iran, régionalement? Qui a les moyens, qui a la puissance atomique dans la région? De toute façon, on sait que l'Iran est à portée de tir via la Turquie, puisque La Turquie a la bombe atomique? non, mais la Turquie est une base américaine, de toute façon. Enfin, je veux dire, Et qui d'autre a la bombe atomique dans la région? Le Pakistan, on sait. Non, mais qui d'autre hostile aux Arabes a la bombe atomique dans la région? Je sais pas. Voilà, c'est l'État d'Israël. L'État d'Israël, ouais. L'État Voilà, d'Israël. Israël a la bombe atomique, les Iraniens veulent la bombe atomique pour être à parité, tu vois, en équilibre Ouais, en par même rapport à temps, Israël. C'est Israël tout. menace pas l'Iran. Ah bon? C'est plus les États-Unis qui ont créé l'Iran comme tête de turc qu'Israël, non? Enfin, le discours. Je pense que c'est la même chose. Mais bon, c'est un débat que je lance, mais je pense qu'effectivement, bon, moi je me fous de savoir si l'Iran a la bombe atomique ou pas. Je pense que les Iraniens balanceront jamais une bombe atomique sur la France. Mais est-ce que quand on dit que les Iraniens menacent la paix internationale, je pense qu'ils menacent surtout la sécurité d'Israël et la vision du monde des chrétiens sionistes, c'est tout. Voilà. Bon, alors après, on fait ce qu'on veut, hein, mais j'aimerais bien qu'on ose ces analyses jusqu'au bout, quoi. Tu vois, je me méfie du on, tu vois, comme disait l'autre, je est un autre, mais on est un con. Voilà, donc la question que je pose, c'est est-ce que les gens qui ont le pouvoir aux États-Unis en ce moment, les chrétiens sionistes, la bande George Bush, ont pour projet, après l'Irak, de détruire le régime bassiste syrien et de détruire le régime islamiste révolutionnaire iranien? Est-ce qu'ils ont l'intention d'aller de continuer dans cette fuite en avant, quoi, tu vois? Tu penses que oui? Bah, je pense que maintenant qu'ils sont en Irak, soit ils s'en vont, et c'est une catastrophe. Soit ils continuent, et je pense qu'ils sont obligés de continuer, quoi. C'est-à-dire ils peuvent pas s'arrêter là, quoi. Je pense pas qu'ils auront l'énergie pour aller jusqu'en Iran, quoi, parce que déjà ils s'affaiblissent beaucoup financièrement parlant et même d'un point de vue médiatique. Enfin, je veux dire, l'opinion américaine soutient de moins en moins la guerre en Irak, donc on peut pas imaginer qu'ils vont se relancer dans une nouvelle guerre. Ben, j'ai Enfin, pas la réponse non plus, mais est-ce que quelque part leur stratégie c'est pas la fuite en avant, quoi, tu vois? Est-ce que c'est déjà pas une fuite en avant l'invasion de l'Irak? Tu vois, En tout cas, ils ont mal jugé la chose, en tout cas, enfin, de mon point de vue. Bah, c'est pas sûr, parce que finalement l'Irak n'existe plus. Quand tu peux pas contrôler un pays, est-ce que le plus efficace c'est de pas faire en sorte que ce pays soit dans une espèce de guerre civile généralisée permanente et qu'il cesse d'exister comme puissance? L'Irak qui menaçait qui d'ailleurs, je te pose la question, et qui finançait qui, je te pose la question, a cessé d'exister. Ils ont mis les chiites au pouvoir, ils ont décapité cette puissance bassiste qui était alliée des Syriens et qui était un pays laïque militairement puissant. Je veux dire, l'objectif est accompli de ce point de vue-là, c'est que l'Irak a cessé d'être une puissance. Ils sont dans un bordel interne qui est très difficile à juguler parce que ils ont créé, a été créé, si tu veux, le pouvoir chiite, qui est un problème par rapport à l'histoire de l'Irak, la mise au banc de l'oligarchie bassiste plus les revendications kurdes. Donc ils ont créé une merde qui va durer, à mon avis, longtemps. Bon, bah, Ouais, en tout ce cas, pays n'existe plus. ouais. Quand t'as pas les moyens de contrôler un pays qui existe, t'as toujours les moyens de faire en sorte que ce pays n'existe Ouais. plus. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, il menaçait qui? Il menaçait l'Arabie Saoudite, puisque. L'Irak? Ouais. Tu crois pas qu'il menace Israël aussi? Je sais pas, moi j'ai surtout l'impression que malgré tout ce qu'on peut penser sur Ben Laden, l'Arabie Saoudite et les États-Unis ont une politique qui est assez voisine et que l'Irak, du fait qu'il soit laïque, comme la Syrie qui serait censée être Ce qui laïque. est sûr, c'est que ça remonte à Nasser. Tout potentat de cette région moyen-orientale qui a une volonté d'exister politiquement avec une vision un peu nationaliste et qui n'est pas, si tu veux, un pur allié des puissances occidentales et un pur corrompu, c'est-à-dire dans une tradition coloniale où on met un mec en place, si tu veux, qui laisse faire le pillage des matières premières, contre quoi on lui laisse avoir un très haut train de vie, c'est-à-dire passer sa vie dans les casinos et les bordels de Marbella, tu vois. Dès qu'un homme a une vision du monde, que ce soit Nasser, que ce soit même, bon, Même Fidel Castro aussi. oui, etc., il a des gros ennuis avec l'Occident, c'est-à-dire cette puissance américano, je sais pas quoi, c'est américaine, et ses représentants dans la région, et qu'il vaut mieux n'avoir aucune vision nationale, ne pas trop mettre l'argent du pétrole dans le développement de son propre pays, dans les infrastructures, etc. Il vaut mieux, si tu veux, être un Saoudien corrompu, qui maintient quand même le pays dans un régime proche de la féodalité, et ce que les droits de l'homme pourraient critiquer et qu'ils ne font jamais, que de développer son pays comme l'a fait par exemple Kadhafi jusqu'à un certain point. Il ne faut pas oublier ce qu'a fait Kadhafi pour la Libye. Je remarque que tu es beaucoup plus mal vu quand réellement tu tiens tes promesses comme l'a fait Kadhafi quand il a pris le pouvoir, que tu nationalises, que tu augmentes les salaires, que tu baisses les loyers et que tu construis des infrastructures, de l'irrigation, etc. Tu es beaucoup plus mal vu par les médias occidentaux que quand tu te contentes d'être un potentat corrompu, que ce soit en Arabie Saoudite ou dans un pays d'Afrique, qui dilapide l'argent l'argent, qui le redistribue pas, tu vois, et qui mate d'une main de fer les élites progressistes, les étudiants, en s'appuyant en plus sur les oligarchies religieuses les plus ténébreuses, tu vois, c'est. Ouais. Donc. Je vois ce que tu veux dire. Oui, bon. Bon, ben, en tout cas, je vais te remercier. Hein. Enfin, merci à Nassoral. C'est moi qui te remercie de t'être déplacé pour venir m'interviewer. Et puis, ben, à bientôt. Voilà, c'est la fin de la série d'entretiens que j'ai eu avec Alain Soral. Donc, je vous rappelle que Alain Soral a écrit Misère du désir, Jusqu'où va-t-on descendre et Sociologie du dragueur, et je vous invite fortement à le lire. Et je vous remercie pour l'attention que vous avez eue, et j'espère que ça vous a intéressé.